terre sacrée où mes pères vivaient. Un jour je traverserai vos cités de pierre d'où l'ombre n'est jamais. Un jour planète.